La véracité du songe du croyant. La véracité du songe du croyant à la fin des temps fait partie des signes de l'heure. Plus la personne est sincère dans sa foi, plus sa vision sera véridique. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Huraira, radiallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le temps se rapprochera, le songe du musulman ne mentira pratiquement plus, et le plus véridique d'entre vous dans le songe est le plus véridique dans la parole. » Le songe du musulman est une des 45 parties de la prophétie. Il s'agit des termes de muslim. Selon les termes d'Al-Bukhari, rahimahullah, le songe du croyant ne mentira pratiquement plus, et ce qui fait partie de la prophétie ne peut mentir. Ibn Abi Jamra dit « Le fait que le songe du croyant à la fin des temps ne soit que rarement faux signifie qu'il se produira dans la plupart des cas de manière à ce qu'aucune explication ne soit nécessaire. Ainsi, le mensonge ne peut l'atteindre. Contrairement à avant cela, où son explication n'était pas connue. Dès lors, il fallait qu'une personne l'explique, or, cela se déroulait autrement que ce qu'elle disait. Il est donc vrai que le mensonge s'y introduit de ce point de vue. Il dit, la raison du fait que cela est spécifique à la fin des temps est que le croyant à ce moment sera rare, comme cité dans le hadith rapporté par Muslim, l'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger. Le camarade du croyant et son assistant à ce moment seront rares. C'est pourquoi le songe pieux lui sera généreusement octroyé. Les savants ont divergé quant à la délimitation du temps durant lequel le songe du croyant sera véridique en différents avis. Le premier. Cela se produira quand la fin des temps approchera et que la majorité de la science disparaîtra, que les enseignements de la loi divine seront usés à cause des troubles et de l'abondance du meurtre. Les gens seront comme dans une période entre deux prophètes. Ils auront besoin de quelqu'un qui renouvelle et rappelle ce qui s'est usé de la religion, de la même manière que les communautés auparavant recevaient le rappel des prophètes. Mais vu que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, et que la prophétie n'est plus possible dans cette communauté, ils reçoivent à la place des visions véridiques, qui sont une partie de la prophétie, ayant pour rôle d'annoncer une bonne nouvelle et d'avertir. Cet avis est appuyé par le hadith de Abu Huraira, radiallahu an, le temps se rapprochera et la science disparaîtra. Ibn Hajar, rahimahullah, juge prépondérant cet avis-ci. Le deuxième, cela se produira quand le nombre des croyants sera faible et que l'incroyance, l'ignorance et la perversion domineront parmi ceux qui vivront à ce moment. Ainsi, le croyant sera assisté et aidé par le songe véridique pour lui faire honneur et le soulager. Cet avis est proche de la parole d'Ibn Abi Jamra qui a précédé. Selon ces deux avis, la véracité du songe du croyant n'est pas propre à une époque précise, mais plus la fin du monde approche et la religion disparaît, plus le songe du croyant sincère sera véridique. Le troisième avis, cela est spécifique à l'époque de Isa ibn Maryam, alayhi salam, car les gens de son époque sont ceux qui connaîtront la meilleure situation dans cette communauté après la première génération et seront les plus véridiques en parole. Ainsi, leur vision ne sera pas démentie. Et Allah azawajal est plus savant. La profusion de l'écriture et sa propagation. Parmi les signes de la fin des temps, il y a la profusion de l'écriture et sa propagation. Ibn Mas'ud, radiyallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura avant la venue de l'heure, l'apparition de la plume. » L'apparition de la plume signifie, et Allah est plus savant, l'apparition de l'écriture et sa propagation. Selon la version d'At-Tayel ici et d'An-Nasa'i, d'après Amr ibn Taghlab, il a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Parmi les signes de l'heure, il est que les commerçants abondent et que la science apparaisse. » Cela signifie, et Allah est plus savant, l'apparition des moyens utiles à la science. Il s'agit des livres. En effet, leur apparition à notre époque est manifeste. Ils se sont propagés aux quatre coins du monde grâce aux machines d'impression et de photocopie qui ont grandement facilité leur propagation. Malgré cela, l'ignorance est apparue et la science profitable a diminué au sein des gens. Il s'agit de la science du livre et de la sunna, ainsi que de leur application. La multitude des livres ne leur profita en rien. La négligence des pratiques conseillées par l'islam. Parmi les signes de la fin du monde, on compte la négligence des préceptes d'Allah Azzawajal, comme il est mentionné dans un hadith d'après Ibn Mas'ud, radiyallahu an, qui dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Parmi les signes de l'heure, il est que l'homme passe par la mosquée sans y prier deux rak'at. » Et dans une version, que l'homme passe par la mosquée sans y prier. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dit « Parmi les signes de l'heure, il est que les mosquées soient prises comme lieu de passage. » Il s'agit d'un acte qui n'est pas permis. Honorer les mosquées revient à honorer les préceptes d'Allah Azza wa Jal, ce qui est le signe de la foi et de la piété, comme dit Allah Azza wa Jal. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Surat al-Hajj, verset 32. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand l'un de vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assit point jusqu'à ce qu'il ait accompli 2 rak'at. Parmi les plus graves calamités est que les mosquées soient devenues des lieux touristiques et de visite pour les mécréants après qu'elles aient été des lieux d'évocation et d'adoration. Cela se produit encore à notre époque, comme dans certains pays musulmans et les pays des impies. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, le Très-Haut, le Sublime. La dilatation du croissant lunaire. L'un des signes de la fin des temps est la dilatation du croissant lunaire. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fait partie du rapprochement de l'heure, la dilatation du croissant lunaire. » Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fait partie du rapprochement de l'heure, la dilatation du croissant lunaire, et que l'on voit le croissant lunaire d'un jour, mais que l'on dise « il est de 2 jours ». Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les signes de l'heure, il est que l'on verra le croissant lunaire d'un jour et que l'on dira « il est de 2 jours ». Dans ces 2 versions, on trouve l'explication de la dilatation du croissant lunaire, à savoir que le croissant lunaire sera plus grand quand il apparaîtra que d'habitude en début de mois. On le verra une première nuit comme s'il était de 2 nuits. Et Allah Azza wa Jal sait mieux. La profusion du mensonge et le manque de vérification dans la transmission des informations. La profusion du mensonge est un signe de la fin des temps, de même que le manque de vérification dans la transmission des informations. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura dans les dernières générations de ma communauté des gens qui vous parleront de ce que ni vous ni vos pères n'avez entendu, alors gare à vous et gare à eux. Dans une autre version, il y aura à la fin des temps des imposteurs menteurs qui vous conteront des récits que ni vous ni nos pères n'avez entendus. Alors gare à vous et gare à eux, qu'ils ne vous égarent pas et qu'ils ne vous éprouvent guère. Muslim, rahimahullah, rapporte d'après Amir ibn Abda que Abdallah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit: le diable prend l'apparence d'un homme et va à un groupe. Il leur raconte un récit mensonger, puis ceux-ci se séparent. Un homme parmi eux dira: j'ai entendu un homme dont je connais le visage mais pas le nom dire, etc. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, il y a en mer des démons prisonniers enchaînés par Sulayman. Peu s'en faut qu'ils ne sortent puis récitent aux gens un Coran. An-Nawawi rahimahullah dit: son sens, ils réciteront quelque chose qui n'est pas du Coran, en prétendant que c'en est, afin de tromper les simples gens, mais ils ne se laisseront pas abuser. Combien sont nombreux les récits étranges à notre époque? Certaines personnes ne font plus guère attention aux mensonges et à rapporter des propos sans la moindre vérification de leur authenticité. Il y a en cela un égarement et une épreuve pour les gens. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait d'y croire. Les savants du hadith considèrent ces textes comme une référence quant à l'obligation de vérifier la transmission des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'analyser la situation des rapporteurs afin de distinguer celui digne de confiance de celui qui ne l'est pas. À cause de l'abondance du mensonge à notre époque, la personne ne distingue plus les informations, ne sachant plus ce qui est véridique de ce qui est faux. La propagation du faux témoignage et la dissimulation du témoignage véridique. Parmi les signes de la fin des temps figure la propagation du faux témoignage. Abdallah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: avant l'apparition de l'heure, il y a le faux témoignage et la dissimulation du témoignage véridique. Le faux témoignage est le fait de mentir volontairement dans son témoignage, de même que le faux témoignage est une cause d'éradication de la vérité. Taire le témoignage est aussi une cause d'éradication de la vérité. Allah Azza wa Jal dit: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ أَكَلْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Et ne cachez pas le témoignage. Quiconque le cache a, certes, un cœur pécheur. Sourate Al-Baqarah, verset 283. Abu Bakra rapporte: Nous étions chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: Ne vous informerai-je point du plus grand des péchés majeurs? À trois reprises: l'association à Allah, la désobéissance aux parents et le faux témoignage ou le propos mensonger. Il était alors accoudé, puis se redressa. Il ne cessa de le répéter au point que nous nous dîmes: Si seulement il se tue. Rapporté par Al-Bukhari. Le faux témoignage et la dissimulation du témoignage véridique sont monnaie courante à notre époque. Vu sa gravité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a joint au polythéisme et à la désobéissance aux parents. Le faux témoignage cause en effet l'injustice, l'oppression et le manquement envers les droits des gens en ce qui concerne les biens et l'honneur. Son apparition est la preuve de la faiblesse de la foi et du manque de peur à l'égard du tout miséricordieux. L'abondance des femmes et la diminution des hommes. Anas, radiallahu an, rapporte: Je vais certes vous relater un récit que personne ne vous relatera après moi. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Parmi les signes de l'heure, il est que le savoir diminuera, l'ignorance apparaîtra, la fornication se manifestera, les femmes seront nombreuses et les hommes diminueront, au point que pour 50 femmes, il n'y aura qu'un seul responsable. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est dit que la raison en cela est la multitude des troubles, ce qui causera la tuerie entre les hommes, vu qu'ils participent aux guerres et non les femmes. Il est dit aussi que cela sera dû à la multitude des conquêtes, les captifs seront nombreuses et l'homme prendra plusieurs concubines. L'érudit Ibn Hajar, rahimahullah, dit: Cela reste à voir, car il cita clairement le nombre restreint dans le hadith d'Abu Moussa où il dit: Vu le nombre restreint d'hommes et la multitude des femmes. Il apparaît donc qu'il s'agit d'un signe indépendant et non dû à un autre facteur. Ainsi, Allah décrétera à la fin des temps la diminution des naissances de garçons et l'augmentation des naissances de filles. En outre, le fait que l'abondance des femmes figure parmi les signes correspond à l'apparition de l'ignorance et à la disparition de la science. Quoi qu'il en soit, rien n'empêche que ce qu'a cité l'érudit Ibn Hajar, rahimahullah, et d'autres raisons, soit parmi les causes qui contribueront à la diminution des hommes et la multitude des femmes, telles que l'apparition de troubles étant la cause de tuerie. Dans une narration de l'imam Muslim, rahimahullah, il y a la preuve que l'abondance des femmes et la diminution des hommes sont dues à la disparition des hommes et la survie des femmes. Or, ce qui fait disparaître les hommes dans la plupart des cas est le grand nombre de batailles. Les termes de Muslim sont les suivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Les hommes disparaîtront et les femmes survivront à un point tel que pour 50 femmes, il n'y aura qu'un seul responsable. Le sens ici n'est pas l'exactitude du nombre 50, car dans un hadith d'Abu Moussa, il est rapporté: Et l'on verra l'homme être suivi par 40 femmes qui se réfugieront auprès de lui. Ceci constitue donc une image métaphorique de l'abondance et Allah est plus savant. L'augmentation de la mort subite. L'augmentation de la mort subite fait partie des signes de la fin des temps. Anas, radiallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Parmi les signes précurseurs de l'heure, il est que la mort subite apparaîtra. C'est une chose que l'on remarque à notre époque. Les gens meurent de plus en plus de morts subites. Ainsi, il arrive qu'un homme fort et en bonne santé meure subitement. C'est ce que les gens appellent de nos jours la crise cardiaque. Aussi, la personne sensée se doit de prendre garde et de se repentir auprès d'Allah Azawajel avant que la mort ne la surprenne. L'imam Al-Bukhari, rahimahullah, disait: Profite durant le temps libre du mérite de l'inclination, car il se peut que ta mort soit soudaine. Combien de gens en bonne santé j'ai vu, sans la moindre maladie, leur âme les quitter subitement. Ibn Hajar, rahimahullah, dit: Il fut étonnant que cela lui arrivât, c'est-à-dire Al-Bukhari, ou quelque chose de proche. L'apparition de l'indifférence entre les gens. Parmi les signes de la fin des temps, il y a l'indifférence entre les gens. Hudhayfa radiallahu an rapporte: On questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'heure. Il dit: Sa connaissance est auprès de mon Seigneur. Personne d'autre que lui ne sait quand elle viendra. Cependant, je vais vous informer de ses signes précurseurs et ce qui se produira avant sa venue. Avant sa venue, il y aura un trouble et une sauvagerie. On dit: Ô messager d'Allah, nous savons ce qu'est le trouble, mais qu'est-ce que la sauvagerie? Il répondit: dans la langue des Abyssins, le meurtre. Il y aura entre les gens l'indifférence, ainsi quasi personne ne connaîtra quiconque. L'indifférence aura lieu lorsque les troubles et les épreuves se multiplieront, ainsi que les tueries entre les gens. Lorsque le matériel conquérera les gens, chacun agira dans son propre intérêt sans prêter la moindre attention aux intérêts des autres ou à leurs droits. L'égoïsme ignoble se propagera alors et l'homme vivra dans le cadre de ses passions et de ses désirs. Il n'y aura plus de valeur morale reconnue entre les hommes, il n'y aura plus de fraternité réunissant les gens dans l'amour d'Allah et l'entraide dans le bien et la piété. At-Tabarani rapporte que Muhammad ibn Saouja dit « Je me suis rendu auprès de Nu'aym ibn Abi Hind. Il me sortit une feuille dans laquelle figuraient d'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah et Mu'ad ibn Jabal à Omar ibn al-Khattab. Que le salut soit sur toi. » Il mentionna alors l'écrit qui contenait « Nous nous disions que la situation de cette communauté à la fin de son temps reviendront à ce qu'ils soient frères en apparence, ennemis à l'intérieur. » Puis, il cita la réponse de Omar, radiallahu anh, qui contenait « Vous avez écrit, m'avertissant que la situation de cette communauté à la fin de son temps reviendra à ce qu'ils soient frères en apparence, ennemis à l'intérieur. Mais vous n'êtes pas cela, et ce n'est pas l'époque pour cela. À cette époque apparaîtront la convoitise et la crainte, les gens se convoiteront les uns les autres pour leurs bonnes conditions de vie. » La terre des Arabes retrouve ses pâturages et ses ruisseaux. Vers la fin des temps, la terre des Arabes retrouvera ses pâturages et ses ruisseaux. Abu Huraira, radiallahu anh, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que la terre des Arabes retrouve ses pâturages et ses ruisseaux. » Ce hadith prouve que la terre des Arabes était autrefois pleine de pâturages et de ruisseaux et qu'elle retrouvera son état initial. An-Nawawi, rahimahullah, dit à ce propos « Cela signifie, et Allah est plus savant, qu'ils la délaisseront, elle restera négligée et ne sera ni cultivée, ni arrosée, et ce à cause du petit nombre d'hommes, du grand nombre des batailles, des troubles, de la proximité de l'heure, du manque d'espoir et du peu de temps libre et d'intérêt consacré à cela. » Il me semble que ce qu'a dit An-Nawawi, rahimahullah, est discutable, car la terre des Arabes est pauvre et faible en eau. Pauvre en végétation, son eau provient surtout des puits et de la pluie. Ainsi, si les gens la délaissent et sont préoccupés par autre chose, la végétation périra et il n'y aura ni pâturage ni ruisseau. Ce qui paraît du hadith montre que les terres arabes connaîtront une augmentation en eau jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau des ruisseaux, que la végétation pousse et que les pâturages, les jardins et les forêts apparaissent. Cela est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, de nombreux puits existent et débordent tels des ruisseaux, ce qui a rendu possible de nombreuses cultures, ce que le véridique sallallahu alayhi wa sallam a dit arrivera. Et Mourad ibn Jabal, radiallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lors de la bataille de Tabouk « Demain, si Allah le veut, vous irez au puits de Tabouk, mais vous n'irez qu'après que le jour se soit levé. Que celui d'entre vous qui arrive ne touche pas à son eau jusqu'à ce que je vienne. C'est alors que nous y allâmes, mais deux hommes nous y avaient devancés. » Le puits était comparable au lacet d'une chaussure et très peu d'eau en coulait. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les questionna « Avez-vous touché à son eau ?»« Oui, » répondirent-ils. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de les insulter et de leur dire ce qu'Allah azawajal voulut qu'ils disent. Par la suite, ils prirent dans leurs mains de l'eau du puits petit à petit jusqu'à ce qu'elle se soit accumulée dans quelque chose. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lava ses mains et son visage, puis remit l'eau dedans et le puits se mit à couler à flot, ou abondamment, à tel point que les gens y puisèrent de l'eau. Enfin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclara « Peu s'en faut, ô Mourad, si tu vis longtemps que tu vois que ce qui est ici même soit recouvert de jardins. » Rapporté par Muslim. L'abondance de la pluie et le peu de végétation. Un autre signe de la fin des temps est que malgré l'abondance de la pluie, il y aura peu de végétation. Abu Huraira radiallahu anh rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le ciel déverse une pluie à laquelle ne résisteront pas les maisons faites d'argile, seules les maisons faites de poils y résisteront. » Anas radiallahu anh rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les gens connaissent une pluie générale sans que la terre ne fasse rien pousser. » Si la pluie est une cause nécessaire pour que la terre fasse pousser sa végétation, Allah azawajal est en droit de susciter ce qui empêchera cette cause de provoquer cette conséquence. C'est Allah azawajal qui crée les causes et les conséquences, rien ne le dépasse. Abu Huraira, radiallahu an, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La sécheresse ne consiste pas à ce qu'il ne pleuve pas, mais la sécheresse est plutôt qu'il pleuve sur vous et pleuve, mais que la terre ne fasse pousser aucune végétation. Rapporté par Muslim. L'Euphrate dévoilera une montagne d'or. L'un des signes de la fin des temps est que l'Euphrate dévoilera une montagne d'or. Abu Huraira, radiallahu an, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que l'Euphrate découvre en se retirant une montagne d'or pour laquelle les gens s'entretueront. Pour chaque centaine, 99 seront tués et chaque homme d'entre eux dira « Il se peut que ce soit moi qui soit épargné ». Ce qui est visé par cette montagne d'or n'est pas le pétrole que l'on appelle aussi l'or noir. Il y a plusieurs raisons à cela. Dans le texte, il est dit « une montagne d'or ». Le pétrole n'est pas de l'or en réalité. Ce dernier est le matériau que l'on connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que l'eau du fleuve se retirera pour découvrir une montagne d'or que les gens verront. Par contre, le pétrole est extrait des entrailles de la terre à des distances très profondes à l'aide d'instruments. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié l'Euphrate en dehors des autres mers et fleuves, alors que le pétrole est extrait des mers tout comme de la terre et à plusieurs endroits différents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que les gens s'entretueront auprès de ce trésor, mais ils ne se sont pas entretués lorsque le pétrole sortit de l'Euphrate ou d'ailleurs. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ceux qui seront présents auprès de ce trésor d'en prendre quoi que ce soit. En effet, dans l'autre version, Ubay ibn Ka'b, radiallahu an, rapporte « Les gens ne cesseront de s'opposer dans la recherche de ce bas monde. J'ai certes entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Peu s'en faut que l'Euphrate découvre une montagne d'or en se retirant, celui qui assistera, qu'il n'en prenne rien. » Rapporté par Muslim. Aussi, l'avis de ceux qui considèrent qu'il s'agit du pétrole implique l'interdiction de prendre le pétrole. Or, c'est une chose que personne n'a dite. L'érudit Ibn Hajar, rahimahullah, fit prévaloir que la raison de cette interdiction de toucher à cet or est due aux troubles et aux combats que cela engendrera. Les animaux sauvages et les objets parlent aux hommes. Parmi les signes de l'heure, il est que les animaux parleront aux hommes, ainsi que les objets, afin de les informer de ce qui s'est produit en leur absence. De même, certaines parties du corps parleront, telle la cuisse qui informera l'homme de ce qu'a fait sa famille après son départ. Abu Huraira, radiallahu an, rapporte « Un loup vint à un berger et prit de son troupeau une brebis. Le berger le poursuivit jusqu'à la lui reprendre. C'est alors que le loup monta sur une colline, s'assit sur sa queue, qu'il mit contre son ventre et dit « Tu m'as pris une subsistance qu'Allah Azawajel m'a accordée et tu me l'as arrachée. » Et l'homme de dire « Par Allah, j'ai vu aujourd'hui un loup qui parle. » Le loup répliqua « Plus étrange encore est un homme au milieu des palmiers entre deux terrains rocailleux qui vous informe de ce qui fut et de ce qui sera après vous. » L'homme, qui était juif, vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'en informa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le crut puis affirma « C'est l'un des signes précurseurs de l'heure. Peu s'en faut que l'homme sorte et ne revienne sans que ses sandales et son fouet l'informent de ce qu'a fait sa famille après son départ. » Apporté par Ahmed. Dans une version relatée par Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu an, il cita la même histoire jusqu'à ses propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit vrai, « Par celui qui détient mon âme en sa main, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les bêtes féroces parlent à l'individu, que la mèche de son fouet parle à l'homme, ainsi que les lanières de ses sandales, et que sa cuisse l'informe de ce qu'a fait sa famille en son absence. » Rapporté par Ahmed. Le souhait de mourir à cause de la difficulté de l'épreuve. Parmi les signes de la fin des temps figure le fait de souhaiter mourir à cause de la difficulté des épreuves. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que l'homme passe près d'une tombe puis dise « Si seulement je me trouvais à sa place ». Il rapporte également que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, le monde ne disparaîtra pas jusqu'à ce que l'homme passe près d'une tombe puis se vautre dessus et dise « Si seulement je me trouvais à la place de l'occupant de cette tombe, il n'a pas de dette, ce n'est que le malheur. » Rapporté par Muslim. Le souhait de mourir aura lieu lors de l'abondance des troubles, quand les choses changeront ainsi que les tracés de la législation. Bien que cela ne soit pas encore arrivé, cela viendra inévitablement. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dit « Viendra un temps où si l'un de vous trouve la mort en vente, il l'achètera, comme il est dit, et cette vie n'a aucun bien, n'y a-t-il de mort en vente que je l'achète ? L'érudit, Al-Iraqi, Rahimahullah, dit : cela n'implique pas que ceci se produise dans tout pays, à toute époque et pour tout le monde. Cela peut réellement arriver à certaines personnes, à certains endroits, à certains moments. Le fait que souhaiter la mort soit lié au passage d'une tombe souligne l'ampleur du désordre qui touchera les gens dans cette situation. En effet, il se peut que la personne souhaite la mort sans prêter attention à sa réalité. Mais si elle voit les morts et les tombes de par sa nature, elle en est choquée et s'éloigne d'un tel souhait. Ceci dit, vu l'intensité du malheur, ce qu'il verra comme tristesse des tombes ne l'en détournera pas. Ceci ne contredit pas l'interdiction de souhaiter la mort, car ce hadith comporte une information de ce qui se produira, il n'est pas question ici d'une règle religieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que des difficultés et des malheurs attendent les gens au point qu'ils souhaiteraient la venue du faux messie. Hudhayfa radiallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens connaîtront un temps durant lequel ils souhaiteront la venue du faux messie. Je demandais, ô messager d'Allah, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, quelle en est la raison ?» Il répondit « À cause des difficultés et des difficultés qu'ils rencontreront. » Apporté par At-Tabarani dans Al-Awsat. Le nombre important de Romains et leur combat avec les musulmans. Al-Musta'id Al-Qurashi dit en présence de Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « L'heure viendra alors que les Romains seront les gens les plus nombreux. » Amr lui dit alors « Fais attention à ce que tu dis. Je dis ce que j'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, répondit-il. » Aouf ibn Malik Al-Ashjari rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Comptes-en six avant la venue de l'heure. Puis, il y aura une trêve entre vous et les Banul Asfar. Ils vous trahiront et viendront à vous sous 80 étendards. Sous chaque étendard se trouveront 12 000 hommes. » Rapporté par Al-Bukhari. Jabir ibn Samura tient d'après Nafi' ibn Utba qu'il a dit « Nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et j'ai retenu de lui quatre paroles que je compte de ma main. Il dit « Vous envahirez la péninsule arabique et Allah vous accordera la victoire, puis la Perse, et Allah vous accordera la victoire, puis le Romain, et Allah vous accordera la victoire, puis le faux Messie, et Allah vous accordera la victoire. » Nafir dit alors « Ô Jabir, nous pensons que le faux Messie n'apparaîtra pas avant que les Romains ne soient vaincus. » En outre, la bataille qui aura lieu entre les musulmans et les Romains a été décrite. Dans un hadith, Yasir ibn Jabir rapporte « Un vent rouge se déchaîna à Koufa. Un homme vint répétant sans cesse « Ô Abdallah ibn Mas'ud, l'heure est venue !» Celui-ci s'assit, tandis qu'il était accoudé, et déclara « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun legs à partager et aucun butin qui rende heureux. » Il fit ensuite ce geste de la main et pointa le chem. Il dit « Un ennemi se rassemblera contre les partisans de l'islam, et les partisans de l'islam se rassembleront contre eux. » Je demandai « Tu veux parler des Romains ?»« Oui, » répondit-il. Il y aura lors de ce combat beaucoup d'apostasie. Les musulmans prépareront une troupe à la mort qui ne devra revenir que victorieuse. Ils s'entretueront jusqu'à ce que la nuit s'interpose. Ceux-ci et ceux-là reviendront sans être victorieux. Puis la troupe succombera. Les musulmans prépareront ensuite une troupe à la mort qui ne devra revenir que victorieuse. Ils s'entretueront jusqu'à ce que la nuit s'interpose. Ceux-ci et ceux-là reviendront sans être victorieux. Puis la troupe succombera. Les musulmans prépareront à nouveau une troupe à la mort qui ne devra revenir que victorieuse. Ils combattront jusqu'à la nuit. Ceux-ci et ceux-là reviendront sans être victorieux. Puis la troupe succombera. Au quatrième jour, le restant des partisans de l'islam se dressera contre eux et Allah leur accordera la victoire. Ce sera une grande tuerie dont on n'aura jamais vu de pareil, avec un léger doute sur les termes exacts. Au point qu'un oiseau se trouvant près d'eux ne passe par là sans tomber raide mort. Aussi, lorsque des frères qui étaient au nombre de 100 feront le compte, ils ne trouveront plus qu'un seul homme restant. De quel butin sera-t-il heureux et quel legs partagera-t-il? Tandis que leur situation sera telle, ils entendront un malheur encore plus grand. Un héros criera que le faux messie leur a succédé dans leur famille. Ils jetteront ce qu'ils auront dans les mains et s'y dirigeront. Ils enverront 10 cavaliers en avant-tête. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Je connais certes leurs noms et les noms de leurs pères, ainsi que la couleur de leurs chevaux. Ils seront les meilleurs cavaliers sur la surface de la terre ce jour-là ou parmi les meilleurs cavaliers sur la surface de la terre ce jour-là. » Cette bataille aura lieu dans le Chem, à la fin des temps, avant l'apparition du faux Messie, comme le montrent les hadiths. La victoire des musulmans sur les Romains préparera la conquête de Constantinople. Abu Huraira, radiallahu anh, rapporte en effet que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les Romains s'installent à Al-A'maq ou à Dabiq, en Syrie. C'est alors qu'une troupe de Médine ira à leur rencontre. Ils seront parmi les meilleurs gens sur terre ce jour-là. Lorsqu'ils se dresseront en rang, les Romains diront « Laissez-nous combattre ceux des nôtres qui ont changé de religion. » Et les musulmans de répondre « Non, par Allah, nous ne vous laisserons pas atteindre nos frères, et ils les combattront. » Un tiers sera mis en déroute, dont Allah n'accueillera jamais le repentir, un tiers sera tué, qui sont les meilleurs martyrs auprès d'Allah, et un tiers remportera la victoire, ils ne seront jamais troublés. Ainsi, ils conquerront Constantinople, et tandis qu'ils se partageront les butins et qu'ils auront accroché leurs épées à des oliviers, le diable criera parmi eux « Le Messie vous a succédé dans vos familles !» Alors, ils partiront, mais c'était faux. C'est lorsqu'ils arriveront au Shem qu'il apparaîtra. Tandis qu'ils se prépareront au combat et se dresseront en rang, on fera l'appel à la prière, puis Isa ibn Maryam, alayhi salam, descendra. Rapporté par Muslim. Abu Darda, radiallahu anh, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le centre urbain des musulmans au jour de l'épopée se trouvera en terre d'Al-Ruta, dans une ville que l'on appelle Damas, l'une des meilleures villes du Shem. » Rapporté par Abu Daoud. Ibn al-Munayyir, rahimahullah, dit « Quant à l'histoire avec les Romains, elle ne s'est pas encore produite, et il ne nous a guère été rapporté qu'ils ont combattu sur terre avec ce nombre. Cela fait donc partie des choses qui ne se sont pas encore produites. C'est une bonne nouvelle et une annonce, puisque cela montre que l'issue finale appartiendra aux musulmans malgré l'importance de cette armée. C'est aussi l'annonce que le nombre des troupes des musulmans sera plus grand qu'il ne l'est pour l'instant. »